Chapitre 15. Ils se séparèrent, lui tout bouillant de passion mal contenue, elle toute nerveuse et troublée. Une fois seule, Angèle rentra lentement, se pencha vers le bouquet de violettes et prodigua aux fleurs les baisers qu'elle avait refusés à René. Puis elle s'assit dans le fauteuil qu'il venait de quitter et demeura longtemps pensive. Un coup de sonnette la tira de sa rêverie. Le concierge apportait une lettre dont l'aspect seul lui causa un violent battement de cœur. C'était une enveloppe bleue, carrée, portant son nom, et à l'un des angles, ces mots imprimés, « Théâtre impérial de l'Odéon ». Elle s'enfuit toute pâle dans sa chambre, tournant et retournant la lettre dans ses doigts tremblants et n'osant l'ouvrir. Cette enveloppe contenait sous ses plis tout son avenir peut-être. Brusquement, d'une main nerveuse, elle la déchira et en dévora le contenu. Hélas, c'était une réponse polie dans laquelle, tout en rendant justice à son talent, le directeur l'informait que la troupe de l'Odéon était au complet et que pour cette année, il ne pouvait engager une nouvelle pensionnaire. On ne lui laissait même pas entrevoir une vague espérance pour l'avenir, rien qu'un refus impitoyable, déguisé sous des formes courtoises. Son cœur se serra, sa bouche devint sèche, ses yeux immobiles restaient fixés sur ce chiffon de papier bleu qu'elle avait laissé tomber, et que le vent de la fenêtre faisait frémir par instants comme une chose vivante. Ses doigts déchiraient en fragments menus le vélin de l'enveloppe et les portaient machinalement à ses lèvres. Refusé. Qu'allait dire sa mère au retour? Comment allait-elle vivre toutes deux? Cet engagement, si anxieusement attendu, avait été escompté d'avance. Depuis 8 jours, on avait largement entamé la réserve d'argent, les dettes criardes grossissaient. Angèle voyait venir la gêne. Pire que la gêne, la misère, cette misère en haillons dont le nom seul avait tout à l'heure presque glacé l'expansion de René. Au milieu de ce naufrage, il ne lui restait plus que son amour, et cet amour lui-même résisterait-il longtemps aux épreuves de la mauvaise fortune? Une peur horrible de perdre René la fit frissonner de la tête aux pieds. Elle aurait voulu pouvoir pleurer, mais ses yeux demeuraient secs, le sang seul lui montait à la tête, et ses tempes étaient comprimées comme dans un étau. Par moments, une douleur aiguë traversait son cerveau et paralysait sa pensée. Alors elle essayait d'oublier ce qui venait de se passer. Ses yeux, fuyant l'aspect de cette chambre devenue odieuse, se tournaient vers la fenêtre ouverte sur un large pan de ciel bruni par l'approche du soir. Des cloches d'église tintant dans l'éloignement reportaient son esprit vers les jours d'autrefois, quand, accoudée à sa croisée de la rue de Savonnières, elle écoutait les claires sonneries de la ville haute. Oh, le temps passé! Les heures insouciantes, comme elle aurait souhaité de les ressaisir. Cette banale maison aux minces cloisons traversée par les 1000 bruits vulgaires des ménages parisiens, cet appartement vide de souvenirs et où venaient de sombrer ses espérances, lui faisait maintenant horreur. Elle regrettait l'intimité familière de son vieux logis de province, où l'on entendait le bruit de l'eau courante dans la semaine et le chant des vêpres le dimanche. Que ne pouvait-elle s'y réfugier ce soir? Emportée avec les nôtres argentines qui s'envolaient là-bas dans le crépuscule. Son attention s'attachait avec une ténacité fiévreuse à cette musique lointaine. Elle en suivait les ondulations sonores. Elle se berçait dans ce balancement aérien. Il lui semblait que tout son être vivait de la vie des cloches, se répandait avec elle dans l'espace et s'y enfonçait bien haut, bien loin. Le froid de la nuit la fit sortir de cette extase. Elle ferma la fenêtre, puis, brisée, malade, enfiévrée, elle voulut déboutonner sa robe. N'en eut pas la force et se jeta tout habillée sur son lit, où elle s'endormit avec une sensation profonde de fatigue et d'abattement. Un cauchemar étrange la poursuivit dans son sommeil. Elle rêva qu'on l'avait ensevelie vivante dans un cercueil échoué au fond du canal de la rue de Savonnières. Au-dessus de sa bière, l'eau coulait à plein bord, et à travers cette haute nappe liquide, elle entendait au loin les voix sonores des cloches de la ville haute. Alors, elle voulait soulever le couvercle du cercueil. Elle déchirait ses doigts aux planches résistantes, et toujours, à travers le bruit de l'eau, les cloches retentissaient. Elle se réveilla en sursaut et se trouva debout près de la porte du carré, dont ses doigts tâtaient la serrure. Chacun connaît la sensation d'égarement que produit un réveil subi dans une pièce où l'on couche pour la première fois. Angèle ne se rendait plus compte du lieu où elle était. La place des fenêtres, l'aspect des murailles nues, la disposition même des meubles noyés dans l'ombre, tout lui était nouveau et effrayant. Un rayon de lune tombant d'une croisée sans rideaux et donnant aux objets une physionomie inconnue acheva de troubler ses idées brouillées par la fièvre. Était-ce délire ou hallucination? Les craquements des boiseries, le frémissement d'une jalousie mal attachée, tous ces menus bruits, indifférents pendant le jour, prirent pour ses nerfs impressionnables une intensité terrifiante. Le rayon bleuâtre de la fenêtre se mouvait comme un fantôme. Elle crut entendre des chuchotements dans l'ombre, elle prit peur, poussa un cri et, ouvrant la porte du carré, s'enfuit dans l'escalier. Le gaz était éteint, mais la lune, sur laquelle le vent chassait des nuages, promenait lentement le long des marches des losanges bleuâtres qui avaient l'air de descendre avec Angèle. Sa peur redoubla. Dans son angoisse maladive, elle se croyait poursuivie par l'étrange bruit qui l'avait poussée hors de sa chambre. Elle arriva rapidement dans le péristyle, plein de ténèbres, et chercha la porte de la loge en appelant d'une voix plaintive le concierge. Celui-ci, réveillé à moitié et croyant qu'un des locataires voulait sortir, tira machinalement le cordon et se rendormit. Le courant d'air entr'ouvrit la porte, et tout au fond du péristyle noir, Angèle aperçut tout à coup devant elle la clarté de la rue baignée par la lune. Cette clarté avait quelque chose de pacifique et d'attirant. N'osant retourner en arrière, toujours poursuivie par la même terreur maladive, la jeune fille s'élança dehors. Elle marcha droit devant elle et s'engagea dans la rue de Vaugirard complètement déserte. L'humidité de la nuit, loin de diminuer sa fièvre, la redoublait. Des lambeaux de pensées s'agitaient confusément dans sa tête. Au milieu de ce désordre, une idée tenace persistait seule. C'est que très loin, à un bout de Paris, il y avait une gare pleine de lumière, toute bruissante de convois prêts à partir, et que là, elle trouverait le train de baie. Partir, s'en aller à baie. Ce désir seul se formulait nettement dans son cerveau. Cette gare lointaine, elle en cherchait le chemin dans la nuit, et ne pouvait plus le retrouver. Elle s'était égarée dans le réseau de petites rues s'étendant entre le Luxembourg et la rue de Rennes, et elle ne parvenait plus à en sortir. À la fin, ses pieds chaussés de pantoufles se meurtrirent aux angles des pavés, ses jambes las plièrent. N'en pouvant plus de fièvre et de fatigue, elle se réfugia dans l'encoignure d'une porte et s'y blottit. Son rêve l'avait reprise, ses oreilles tintaient, il lui semblait entendre des bruits d'eau et de cloches. Elle était là depuis quelque temps déjà, grelottante, la tête courbée sur sa poitrine, quand une main lourde se posa sur son épaule et la secoua vivement. Hé, la petite mère, dit la voix d'un sergent de ville, ce n'est pas un endroit pour dormir, il faut rentrer chez vous. Elle frissonna et le regardant avec des yeux grands ouverts. Non, non, murmura-t-elle, je veux partir. Où demeurez-vous? Pas de réponse, seulement de temps en temps ces mêmes mots répétés comme une plainte enfantine. Je veux m'en aller. « Je veux m'en aller. »« Eh bien, partons, » reprit l'agent en passant son bras sous le sien. Elle se leva et le suivit docilement. Ils prirent une rue latérale à l'angle de laquelle luisait le feu d'une lanterne rouge. Et quelques instants après, Angèle se trouva au poste de police, dans une salle étroite garnie de lits de camp. Elle s'était assise sur le bord de l'un des lits et continua à supplier qu'on l'emmenât là-bas. La lourde chaleur du poêle finit par agir sur elle, et par l'engourdir pendant le reste de la nuit. Au matin, on la réveilla pour la conduire chez le commissaire, dont le bureau était situé dans une pièce voisine. Le sommeil l'avait calmée, sa fièvre s'était apaisée, et son esprit avait retrouvé un peu de sa lucidité. Elle regarda d'un air effaré le triste endroit où on l'avait amenée, se leva brusquement, et supplia les agents de la laisser sortir. Mais sans avoir égard à ses supplications, on la poussa violemment dans le bureau du commissaire. Celui-ci venait de se lever et paraissait de fort mauvaise humeur. Le brigadier lui fit brièvement son rapport. Une femme trouvée cette nuit sous une porte dans un état apparent d'ivresse ou de folie. Angèle l'écoutait avec stupeur et tremblait de tous ses membres. « Votre nom ?» demanda sèchement l'officier de paix, tandis qu'en face de lui un expéditionnaire s'apprêtait à rédiger l'interrogatoire. Elle répondit d'une voix faible comme un souffle et supplia de nouveau qu'on la laissât partir. « Où demeurez-vous » Elle le regardait d'un air inquiet et restait muette. la peur de se retrouver seule dans l'appartement de la rue de Rennes, jointe à une sorte de défiance instinctive de tout ce qui tient à la police, semblait la paralyser. Au lieu d'indiquer son adresse, elle insista de nouveau pour être conduite à la gare de l'Est, où elle promit de prendre le premier train à l'Anversbaie. « Mais vous demeuriez quelque part à Paris ?» reprit le commissaire impatienté. « Dites-moi votre adresse, ou je vais être forcé de vous faire conduire au dépôt. » Toutes ces questions l'étourdissaient. La fièvre l'avait reprise. Elle ouvrait de grands yeux sans comprendre et promenait lentement ses doigts sur ses lèvres closes. Sa bouche ne se desserra que pour murmurer de nouveau. « Laissez-moi m'en aller là-bas, chez mon père. »« Que fait-il, votre père ?»« Mon père. » Elle tenta un effort pour assembler ses idées, puis tout à coup éclata en sanglots. « Ah ! S'écria-t-elle, il est mort !» Sa tête s'affaissa dans ses mains, et elle se mit à sangloter. Les trois hommes assistaient d'un air ébahi à cette scène navrante. Le commissaire haussa les épaules et, frappant de l'index son front orné d'une calotte de velours, il fit une grimace que l'agent traduisit en langage vulgaire. « Timbré ! » grommela-t-il entre ses dents. « Je veux partir !» reprenait Angèle à travers ses larmes. « Laissez-moi retourner là-bas. »« Oui, on va vous y conduire, » grogna le commissaire. « Allez chercher une voiture, » ajouta-t-il en signant l'interrogatoire qu'il remit au sergent de ville. Quelques minutes après, Angèle montait dans un fiacre en compagnie de l'agent. L'idée d'être reconduite à Belle avait rassuré, et elle commençait à s'assoupir quand la voiture s'arrêta devant l'entrée spéciale de la préfecture de police qui mène à l'infirmerie provisoire. Au terme de la loi sur les aliénés, le placement d'office d'un malade s'effectue par l'intermédiaire de la préfecture au vu du procès-verbal du commissaire. Amené à l'infirmerie du dépôt, le présumé aliéné est examiné par un médecin qui l'expédie dans un asile si la folie est constatée. Dès les premiers pas qu'elle fit dans cette infirmerie, Angèle comprit qu'on l'avait trompée. À la vue de ces deux rangées de cellules séparées par un couloir où se promenait un gardien, en entendant les plaintes sourdes qui s'échappaient de ses cabanons, une terrible épouvante la saisit. Elle voulait s'enfuir. Mais le gardien, en homme habitué à de pareilles scènes, la poussa, malgré ses supplications, dans une cellule vide dont il referma brusquement la porte. « Elles sont toutes les mêmes, » dit-il en maintenant le guichet entrebâillé. « J'aime mieux avoir affaire à 10 fous qu'à une folle. » Folle, ce mot cruel secoua violemment le cerveau d'Angèle. Une lueur douloureuse éclaira soudain son esprit. La mémoire lui revenait. Elle tentait de douloureux efforts pour rassembler ses idées et se prouver à elle-même qu'elle avait encore sa raison. Pendant ce temps, les imprécations qui partaient des cellules voisines la glaçaient de terreur. Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour être rejetée dans cet enfer et de nouveau, son intelligence sombrait dans le cauchemar. Ce fut en cet état qu'elle comparut devant le médecin chargé de la visite. Ce médecin était un homme mûr, grave, cravaté de blanc et aux formes onctueuses. La vue de ce personnage aux allures d'homme du monde et à la parole caressante rendit Angèle un peu d'espoir et de présence d'esprit. Elle le supplia de la prendre en pitié et lui conta de son vieux, sans trop de suite pourtant et avec une grande animation, tout ce dont elle se souvenait. Le départ de sa mère, la lettre de l'Odéon, l'épouvante de la nuit, sa fuite de la maison de la rue de Rennes. Le docteur l'écoutait d'un air attentif. La beauté de la jeune fille, la musique de sa voix, semblaient lui faire impression. Un moment, il parut perplexe. Les discours d'Angèle étaient sensés, bien que ses yeux brillants, son geste nerveux, son air étrange, trahissent une vive exaltation. Mais pour tout aliéniste, un fou, si raisonnable qu'il paraisse, peut à un moment donné devenir un danger public. Le médecin chargé de la visite avait pour principe que la lucidité de l'esprit n'exclut pas le défaut d'équilibre dans la raison. Cette jeune fille était intéressante à la vérité et il se sentait ému. Mais on ne l'avait pas déléguée au dépôt pour faire du sentiment. « Eh bien, soit, mon enfant, » dit-il en passant sa main sur son manteau rasé, « nous allons vous rendre la liberté. Je vais donner l'ordre de vous reconduire rue de Rennes. « Oh non, pas là !» s'écria-t-elle. Et l'angoisse qu'elle éprouvait fut si forte qu'elle se remit à trembler. « Et pourquoi » continua-t-il d'une voix perfidement insinuante. « N'est-ce pas là que vous demeurez ?»« Non, non, j'y ai peur !» murmura-t-elle en baissant la tête. « Peur de quoi ? De tout ? Des cloisons qui craquent, des rayons de lune qui glissent la nuit sur le parquet, des chuchotements qui bourdonnent près de moi, comme si l'on me parlait à l'oreille. Ah, vous entendez des voix. Oui, des voix étranges qui me donnent la fièvre. C'est bien cela, murmura l'aliéniste en se souriant à lui-même, et il rédigea son certificat. Monomanie mélancolique avec délire partiel, hallucination de Louis. Puis sonnant et faisant signe au gardien d'emmener Angèle. À Sainte-Anne, dit-il de sa voix douce et mielleuse.